Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Psychosomatic. That boy needs therapy. He was white as a sheet. And he also made a nice Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, vous êtes au taquet ce matin ? Wesh, gros, à la cool. Et pourtant, dans les profondeurs de ma nuit, j'ai involontairement télescopé un bathyscaphe. Mais je vous rassure, ni mes ogives, ni mon périscope n'ont été endommagés. Enfin bon... Dites-nous plutôt, professeur Mauduit, qui est notre patient aujourd'hui ? Eh bien justement, professeur Colin, ce matin, le dossier Epsilon numéro 25 est un bateau ivre. Un bateau ivre ? Foutre Dieu, mais qui donc est-ce ? Je sens que ça va être difficile, les briques, ce matin. Bon, faites pas le malin, c'est parti. Première brique, rognon. Rognon ? Si c'est rognon sur le salaire des fonctionnaires... C'est le grognon de Matignon, c'est donc François Fillon. Ah non, non, ce matin, nous sommes plus proches de François Villon et la suite de notre balade dépend du mot que je vous propose. Attention, deuxième brique, Verlaine. Verlaine ? Laine de verre ? Non, ne me dites pas qu'on reçoit Monsieur Bricolage. Pas du tout, mais dans un match face à Monsieur Bricolage, notre patient aurait gagné 4-1. Allez, dernière brique, bauxite. Ah, ok doc, le rognon qui se trouve vers l'Aisne, c'est le Rhin, le tout en bauxite, c'est Arthur Rimbaud bien sûr. Formidable dossier, professeur Mauduit. Alors allons-y, étudions le cas de cet écorché vif. Maniez-vous le train, les rabaldiens, et apportez au labo le dossier de monsieur Arthur. Allez Rimbaud, à table. C'était pas ma guerre. C'est vous qui m'avez appelé, pas moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Et je suis revenu dans le monde. J'ai vu ces larves me conspuer comme un criminel. Qui sont-ils pour me faire des prochains? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils étaient à ma place en pleine jungle? Ils nous jugent, ils savent pas de quoi ils parlent. C'est un moment dur pour tout le monde, Rimbaud. Eh ben, vous m'avez l'air bien énervé, John Arthur Rimbaud. Et figurez-vous qu'au ministère psychique, on vous préfère poète que barbouze. D'ailleurs, à ce propos... Commençons notre séance par la première intervention clinique du professeur Mauduit qui va nous exposer justement ce qui nous tourneboule particulièrement au cœur du dossier de notre patient aux semelles de vent. Alors voyez-vous, professeur Colin, ce qui me trouble précisément dans ce dossier, c'est ce qu'on pourrait appeler la dichotomie rimbaldienne. Autrement dit, il y a eu deux Rimbaud. Primo, un poète génial jusqu'à l'âge de 21 ans, puis plus rien, pour devenir ensuite un aventurier voyageur, tendance baroudeur et marchand d'armes. Étrange destin sur lequel nous reviendrons en détail, bien sûr, mais avant tout, découvrons par l'intermédiaire d'Henri Guillemin ce qui se cachait réellement derrière le front pur d'Arthur Rimbaud, sans doute le trait d'union essentiel entre ces deux vies. Bah, qu'est-ce qu'il y avait derrière ce front pur de l'adolescent Rimbaud, derrière ses yeux, ses extraordinaires yeux bleus qu'il avait, vous savez, des yeux bleus pervenches, avec une bague bleue sombre autour de l'iris. Ce qu'il y avait, on le sait par les brouillons de la saison en enfer, la rage. Un tremblement de rage. Il écrit dans le brouillon, la rage du désespoir m'emporte contre tout. La nature, les objets, moi, que je voudrais déchirer. Pourquoi cette rage ? Bah, tâchons de comprendre. Voyez-vous, c'est un garçon qui dit, bah, puisque c'est comme ça ce qu'on appelle les réalités de la vie. Puisque c'est d'une part fétide et d'autre part atroce, alors il faut jouer le jeu à fond. Faut pas faire semblant. Faut pas tricher. Cette abjection qui est la nôtre, il faut l'assumer à plein. Il faut s'y rouler avec une espèce de défi, de passion noire et de provocation. Et que le langage même s'emplisse de ce stupre à quoi se réduit notre condition. Et il écrit à son professeur Isambard, qui a dû en recevoir un coup au cœur, « Je m'en crapule le plus possible. »« Je m'en crapule le plus possible ?» Drôle de programme, monsieur Rimbaud. Assurément, Vous êtes un patient fascinant et je crains malheureusement que nos 53 petites minutes ne suffisent à vous décrypter réellement. Mais le ministère psychique se réjouit de ce défi. Alors essayons ensemble, chers amis, de percer en partie ce matin les mystères rimbaldiens, afin d'établir un authentique diagnostic, toujours dans l'espoir, bien sûr, de savoir si oui ou non les méandres névrotiques de ce poète cathartique recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais pour te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien, monte sévèrement le son, puisque c'est la panique au ministère psychique. Alors amorçons ensemble l'étude de notre patient en rébellion par la poésie de celui qui fut sans aucun doute sa sublime réincarnation. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Qui ouvre les portes du ministère psychique à Arthur Rimbaud pour qu'il s'évade de l'autre côté. Le poète est celui qui inspire bien plus que celui qui est inspiré. Les poèmes ont toujours de grandes marges blanches, de grandes marges de silence où la mémoire ardente se consume pour recréer un délire sans passé. Leur principale qualité est non pas, je le répète, d'invoquer, mais d'inspirer. Le poète est donc un inspirateur, nous explique ici Paul Éluard, et c'est sans doute aussi ce que voulait dire Arthur Rimbaud dans son poème intitulé « Jeune ménage », une histoire d'inspirateur évidemment. Oui, il fallait bien l'intervention de Paul Éluard pour ouvrir cette émission que le ministère psychique consacre ce matin à Arthur Rimbaud. En 1853, à Charleville, Vitaly Cuif, une jeune campagnarde pleine de vie, épouse le séduisant capitaine d'infanterie Frédéric Rimbaud. Une belle histoire d'amour, sans doute, mais sans conteste fort brève, puisque le militaire déserte très vite le foyer familial pour se consacrer aux joies viriles de la vie de garnison. Arthur, leur fiston, n'a que 7 ans quand son père taille sa route. Vitaly élève donc seul ses 4 enfants, mais la moteur, comme l'appelle Arthur, est envahissante et sévère, surtout pour un môme qui se sent intrinsèquement poète. C'est souvent par leur mère qu'on explique les poètes. Madame Rimbaud était une femme d'ordre, de principe. Tiens, t'as apporté des fruits, tu as peut-être faim. Non, j'ai pas faim. Je voudrais juste bosser. Quand tu entres dans ma chambre sans frapper à la porte, c'est là que tu joues les vieilles emmerdeuses. S'il te plaît, prends ces fruits. Mais je veux pas tes fruits, je veux que tu sortes de ma chambre. Mais attends, je t'ai découpé un kiwi. Tiens, regarde. Parle-toi de ma chambre, dégueulasse. Qu'est-ce que tu as, je ne... Tu fous le camp d'ici. Bon, allez, va-t'en. Pas, bonjour chez toi, retourne dans ton lit. Tu vas faire ce que t'as à faire, hein. Ouais, c'est ça. Sans cette rigueur dont il dut subir constamment la contrainte, le futur auteur du bateau ivre n'aurait peut-être point accumulé dans son âme les douloureux refoulements qui décidèrent de son génie. Vieille salope ! Putain de merde ! Grosse tension dans la cassa à Charleville, d'autant plus qu'Arthur Rimbaud a quelque peu l'âme fugueuse. Dès le mois d'août 1870, c'est vers Paris qu'il tourne les yeux. Le jeune adolescent veut absolument quitter Charleville. Il veut partir et se libérer du carcan familial et de l'emprise de sa mère. Mes chers parents, je comprends sans cesse la gravité de mon mensonge. Oh, tu parles. Aussi, je vais tenter ma chance tout seul dans la capitale ou ailleurs. Je veux prouver que je peux devenir un homme, alors je vous reverrai et nous nous expliquerons sur tout. Je vous quitte et je vous embrasse. Alors tu trouves normal qu'il me déteste? Mais tu es de plus en plus dur avec lui. Je suis surmenée, alors il me tape sur les nerfs. Hier soir à table, j'ai bien cru que ma mère se doutait de quelque chose. Elle m'a demandé si j'étais malade et pourquoi j'étais si pâle. J'ai dit que j'étais très bien, tout à fait clair. Or, surtout ne pas se retourner ni des yeux ni de la tête. Ne pas regarder derrière, seulement voir ce que je me suis promis et pourquoi, et où, et comment. Il est 7h moins 5, je me suis rendormi dans ce train qui s'éloigne un peu plus. Or, surtout ne plus se retourner. Jamais. Et pourtant, Arthur est obligé de rentrer à Charleville, chez sa mère, d'où il fugue à nouveau à plusieurs reprises en 1871 et 1872. Alors, comment comprendre cette vie rimbaldienne? Est-ce une fuite perpétuelle de sa mère, vers laquelle pourtant à chaque péripétie de la vie, Rimbaud revient? Après les tragiques événements bruxellois, par exemple, où il tire un coup de revolver avec Verlaine, c'est chez sa mère que Rimbaud se réfugie. Alors, pour mettre fin à cet enchaînement de fuites et de retours, après une errance en Europe, toujours trop proche de Charleville, c'est vers l'Afrique qu'Arthur Rimbaud se dirige. En 1880, son univers est égyptien et yéménite. Et là, dans ces contrées exotiques, dans ce jardin d'Aden, loin de sa mère, Arthur Rimbaud oublie la poésie et se lance dans le commerce. Peau, ivoire, café et de nouvelles amours. La première fois qu'on vend une arme, c'est un peu comme la première fois qu'on fait l'amour. On ne sait absolument pas ce qu'on fait. Mais c'est très excitant et quoi qu'il arrive, on trouve que ça se termine beaucoup trop vite. Messieurs, le nouvel Uzi, le meilleur pistolet mitrailleur du marché. Performant et hyper compact. Ce joli petit bijou tire des balles creuses de 9 mm par chargeur de 20 à 25 unités. Viseur adaptable à l'arrière, silencieux de série, l'efficacité du système anti-recul approche des 40%, 60% pour la réduction du bruit. Mettez-moi une rafale dans le bide, là, tout de suite, le type d'à côté ne se réveillera pas. Mais, bien entendu, ce serait contre-productif sur un plan commercial. Et Arthur Rimbaud est loin d'être contre-productif sur le plan commercial. Ses petits trafics fonctionnent bien, très bien même. L'ex-poète savoure les plaisirs orientaux et la douceur de vivre exotique. Car même si parfois Arthur râle à Harar, il peut mener la vie qu'il désire sans la chape morale de son univers familial. Et c'est dans cet Orient lointain, surtout loin de sa mère, qu'il goûte au plaisir stupéfiant de cet univers enivrant. Écoute la réponse dans le vent. Vous voulez toujours prendre un acide? Ah, si vous voulez un trip, c'est le moment. Je veux bien, c'est du bon, je l'ai goûté moi-même. Allez, c'est quoi cette merde? Donne-moi-en un plus gros, ça va rien me faire. Ça. Allez, bon, essaye. Un seul. Hein. Allez, cul sec. Oh, mollo, là. Ça me fait rien, ton truc, là. Peut-être qu'il marche pas, le mien. Tiens, prends ça. Ça ira mieux. Oui. Mais le séjour oriental d'Arthur Rimbaud, cette fuite dans un lointain où la chaleur écrasante de la pierre lui fait oublier la terre grasse de Charleville, cet exil volontaire, loin de sa mère, n'est pour Arthur qu'une chimère. La motère est toujours là. Et ce que nous savons de Rimbaud en Afrique, c'est aux lettres qu'il écrit à sa mère que nous le devons. Harar, Le 10 novembre 1890. Ma chère maman, j'ai bien reçu ta lettre du 29 septembre 1890. En parlant de mariage, j'ai toujours voulu dire que j'entendais rester libre de voyager, de vivre à l'étranger et même de continuer à vivre en Afrique. Je suis tellement déshabitué du climat de l'Europe que je m'y remettrais difficilement. Il me faudrait même probablement passer 2 hivers dehors, en admettant que je rentre un jour en France. Et puis comment me referais-je des relations? Quels emplois trouverais-je? C'est encore une question. Monsieur Tian est un commerçant très honorable, établi depuis 30 ans à Aden, et je suis son associé dans cette partie de l'Afrique. Personne à Aden ne peut dire du mal de moi. Au contraire, je suis connu en bien de tous dans ce pays depuis 10 années. Avis aux amateurs. Quant au Harar, il n'y a aucun consul, aucune poste, aucune route. On y va à chameau, et on vit avec des nègres exclusivement. Mais enfin, on y est libre. Et le climat est bon. Telle est la situation. Au revoir. La liberté et le climat. Voilà ce qui conforte Arthur Rimbaud dans ses choix de rupture. Rupture avec sa vie de poète et rupture avec l'univers familial. Le Rimbaud poète fait place au Rimbaud aventurier. Et pourtant, les deux Rimbauds ne sont-ils pas superposables? Alors je voudrais voir si c'est vrai que les deux Rimbauds sont, comme on dit, insuperposables. S'il y a un abîme entre le premier et le second. Alors on va essayer de voir s'il n'y a pas des persistances dans le second Rimbaud, le négociant, d'éléments qu'on assigne d'habitude au premier Rimbaud seul, Rimbaud le poète. Mais regardons le style d'abord. Vous m'arrêtez tout de suite peut-être en me disant « mais il n'y a pas de style dans le second Rimbaud » puisque justement son propre est de ne pas écrire. Si, il a écrit des lettres cursives, enfin des missives à sa mère. Tenez, premier exemple, 78, il est à Gênes. Il vient de traverser à pied le Gothard. Et il raconte en quelques lignes à sa mère ce que c'était que cette traversée du Gotha, où il neigeait, où on marchait dans la neige, si bien qu'on ne voyait rien. Alors il dit, figure-toi un embêtement blanc. Embêtement blanc, c'est un mot d'écrivain. À un autre moment, lorsqu'il est à son Harar et qu'il veut aussi expliquer à sa mère ce que c'est que ces pays, il dit que c'est des contrées assez sauvages et qu'en plus son état d'esprit est mauvais et plutôt désespéré. Alors, il a une jonction, enfin un substantif et un adjectif qui, à mon sens, sont encore une preuve d'écrivain, puisqu'il dit « j'habite des régions désespérées ». Régions désespérées, c'est encore un mot signé écrivain, signé Rimbaud. Les régions désespérées, ce sont sans doute celles qu'Arthur Rimbaud a toujours fui et vers lesquelles il retourne sans cesse. Ainsi, en 1891, malade, il se fait rapatrier en France, où il meurt à Marseille, quelques mois plus tard, âgé de 37 ans. Et c'est à Charleville, près de sa mère, qu'Arthur est enterré. Le ministère psychique note donc une fâcheuse tendance à toujours revenir à son point de départ comme un bateau ivre qui retourne sans cesse à son port d'attache, trouble d'indécisionnite chronique évident. Alors, comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que le comportement d'Arthur demeure une menace pour notre société. Mais pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir son dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Allons-y, cher professeur, écoutons le poète Mauduit. Bien, professeur Colin, nous étudions ce matin le cas Arthur Rimbaud. J'ai donc creusé ce dossier rimbaldien et c'est vraiment de la balle. Vous le savez, Arthur Rimbaud a commencé sa carrière de poète dans le Parnasse avant de trouver ça quelque part naze et de choisir une réorientation vers une voie plus risquée, mais sans doute plus efficace à long terme, celle de poète maudit. Le créneau a fait florès et on peut y réussir à condition de respecter quelques règles et un sévère plan marketing. Tout d'abord, première règle, il est obligatoire d'avoir une politique de l'image très réfléchie. Il faut distribuer sa figure avec parcimonie et faire en sorte de ne pas être trop exposé. Pour François Villon, on trouve toujours la même gravure, Baudelaire c'est toujours le même daguerréotype. Et pour Rimbaud, bien sûr, nous avons tous en tête cette image d'un adolescent rebelle à la mèche gigotante et aux yeux clairs, perdu dans l'infini. Un gosse beau à la poétique attitude. Le poète maudit n'habite ni dans Paris Match, ni dans Voici. Pour Bernard-Henri Lévy, c'est donc foutu. Ensuite, deuxième règle pour être un poète maudit, vendre beaucoup de livres. Mais toujours longtemps après sa mort, donc pour Marc Lévy, c'est foutu. Mais on s'en doutait un peu. Ensuite, le poète maudit a pour amis d'autres poètes maudits avec lesquels il forme une bande de poètes maudits. C'est essentiel. D'ailleurs, cela a permis à Verlaine d'écrire en 1888 un ouvrage intitulé « Les poètes maudits ». Donc, M. Houellebecq, qui a pour ami M. Henri Lévy, ne peut pas être un poète maudit, même s'il essaie de s'en donner l'image. Ensuite, le poète maudit, à l'instar d'Arthur Rimbaud, est un voyant. Donc aujourd'hui, comme poète maudit, nous pouvons éliminer d'emblée l'ensemble des économistes, grands téléologues qui ont été incapables de prévoir la crise et qui aujourd'hui envahissent les médias pour justement nous expliquer avec aplomb cette crise qu'ils n'ont pas vu venir. Et enfin, professeur Colin, il est tout de même nécessaire, pour être un bon poète maudit, que la production littéraire se démarque quelque peu de l'académisme du moment. Le poète maudit, quand il psalmodie, peut même souffrir quelques néologismes s'il le veut. Mais bon, attention, hein, le poète maudit n'est pas là pour écorcher la langue française tous les deux mots lors de ses discours ou interventions télévisées à coup de « je sais pas, mame, chabot ». Donc pour M. Sarkozy, c'est également foutu, d'autant plus qu'il ne respecte aucune des règles précédentes pour faire poète maudit. Et puis surtout, face à la grogne sociale qui gonfle, notre président ne respecte pas une des règles essentielles pour faire poète maudit, être un incompris. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patient. Instabilité chronique à tendance poétique. Mais le ministère psychique traque la vérité. La sienne, l'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales de notre patient, dont l'existence fut tout aussi flottante qu'une île et pour qui l'horizon était toujours très fin. Je suis si près du bout de l'île, encore un pas prêt à tomber, un geste doux presque fragile, je suis si proche de nos étés. Si calme un peu plus bas, qu'on sentirait l'herbe pousser, le tonnerre et le calme plat, l'air sur nos joues s'abandonner. Derrière les brumes, le continent. Derrière les brumes, le continent. Je suis si près du bout de l'île, aux confins de terres inconnues, tout juste un battement de cils, pour croire ce qu'on a toujours su. Et tout me ressemble ici bas, un peu de moi dans cet écume, qui mouille un ciel un peu trop bas, pour voir le bout de la lagune. Derrière les brumes, le continent. Joseph d'Anvers. Quant au continent poétique rimbaldien, il est envers et contre tous. Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Alors maintenant, après avoir analysé la complexité des liens entre Arthur Rimbaud et sa mère, il est temps dès à présent, me semble-t-il, de découvrir les sinuosités d'une autre relation tout aussi cruciale dans la vie de notre patient, à savoir son aventure passionnelle, bien sûr, avec le poète Paul Verlaine. Avant tout, sache que le désir de Paris chez Rimbaud était vif. Il rêvait de quitter Charleville-Mézières et surtout ses habitants, communément appelés les Carolo-Masseriens, mais très vite rebaptisés par Rimbaud, les Caropol-Merdis. Au passage, à l'aune de ce mépris provincial, soyons certains que M. Rimbaud aurait été ravi que les ch'tis soient ainsi boudés à la cérémonie des Césars le week-end prochain. Enfin bon, revenons à l'été 1871, époque à laquelle Rimbaud entretenait une relation épistolaire critique à l'égard de l'art poétique avec Paul Verlaine, parisien. Ce dernier, séduit par l'intelligence et la vivacité d'esprit de notre patient, lui répondit alors ceci. « Venez, chère grande âme, on vous appelle, on vous attend. » Résultat, Rimbaud déboule à Paris en septembre 1871 chez Verlaine, qui lui proposa une piole chez lui, rue Nicolet, dans le 18e arrondissement. Et très vite, le brillant adolescent que fut Rimbaud trouva en Verlaine un authentique Pygmalion. « J'ai un petit secret à vous dire. Approchez. Allons, approchez. On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion. La médecine, le commerce, le droit, l'industrie sont de nobles poursuites et sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, la beauté, l'amour, l'aventure, c'est en fait pour cela qu'on vit. Tu m'étonnes. Entre beuveries légendaires et escapades nocturnes, nos deux compères poètes ont alors beaucoup vécu l'aventure dans un Paris canaille, au grand désespoir néanmoins de Madame Verlaine, épouse négligée par son mari et surtout jalouse des sentiments naissants et ambigus entre Verlaine et Rimbaud. Cela dit, très vite, leur relation a commencé à se dégrader car l'élève avait bien plus de talent que le maître et lorsque Verlaine soumettait ses nouveaux poèmes à Rimbaud, bien souvent, ce dernier les jugeait très sévèrement. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je vous en prie. Écoutez-vous, Verlaine, sans vous la peine. Les sanglots longs des violons. Ça démarre pas, hein. Zéro pour la première tranche. Continuez, mon garçon, je vous prie. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Je vous arrête, mais enfin, mon garçon, soyez logique. Vous me dites tout suffocant et blême. Si vous suffoquez, vous n'êtes pas blême. Vous êtes rouge. Un peu de bon sens. Quand sonne l'heure, de quelle heure s'agit-il? Midi, 7h, on ne saura jamais alors. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Mais mon petit, vous écrivez comme un alcoolique. Je vous mets zéro pour cette seconde tranche. Terminé, poulet. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Assez! J'en ai assez! Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, de ça, de là. Vous savez pas où vous allez, alors? Comme une femme velléitaire. Vous me copierez demain 20 fois cette parole de ce doux poète français, Sully Prudhomme. Il ne faut jamais poéter plus haut que ses possibilités. Et les possibilités d'Arthur Rimbaud étaient immenses. Du coup, dans une quête effrénée et raisonnée du dérèglement des sens, notre patient radicalise alors sa poésie qui devient de plus en plus sarcastique, notamment à l'égard de la morale catholique qu'il exècre violemment lorsqu'il écrit son poème « Les pauvres à l'église ». Verlaine soutient sa création, mais devant les sarcasmes de la bourgeoisie parisienne quant à la nature de leur relation, les deux amants choisissent soudainement de quitter Paris pour Londres en juillet 1872. Certes, la perfide Albion leur offre le confort et l'anonymat, mais également une vie très agitée qui rend leur union tumultueuse, car Verlaine souffre cruellement de la lucidité et du cynisme et de la liberté du jeune Rimbaud. Ma quête de l'expérience universelle m'a mené ici, à une existence oisive, sans but et misérable, à être l'amant d'un poète chauve, alcoolique, laid, lyrique et vieillissant, qui s'accroche à moi parce que sa femme ne veut plus de lui. Comment peux-tu en arriver à dire des choses pareilles? C'est facile. C'est la vérité. Toi, t'es là, tu vis comme ça parce que ça te suffit. Boire et baiser avec un air de mélancolie béate, avoir assez d'argent pour te saouler à mort toutes les nuits. Mais moi, je suis là parce que je l'ai choisi. Ah. Ah oui. Pourquoi as-tu voulu venir à Londres avec moi? Il y a des raisons moins subtiles au fait que tu me supportes. Lesquelles? Par exemple, le fait que je t'entretiens. Tes pensées sont presque aussi laides que ton corps. Excédé par le caractère incontrôlable de notre patient, Verlaine plaque Rimbaud sur place et décide de quitter Londres pour rentrer sur le continent afin de retrouver sa femme et son fils. Il menace même de se coller une bastos dans le buffet si elle refuse qu'il revienne. Mais Rimbaud demeure impassible devant ce chantage affectif. Verlaine s'installe donc dans un hôtel en Belgique où très vite, Rimbaud finit par le rejoindre pour ce qui va devenir un épisode célèbre de l'histoire littéraire, le drame de Bruxelles. Alors dans la rue, vous représentez à Bruxelles, dans la rue, il y a la vieille Madame Verlaine, il y a Verlaine et il y a Rimbaud, Rimbaud qui a le bras en écharpe, avec sa balle dans le bois, et qui marche dans la direction de la gare, puisque Rimbaud a dit « je m'en vais, je vais chez ma mère ». Et puis là, à quelques centaines de mètres de la gare, Verlaine redevient comme fou, il fait 10 pas en avant pour précéder sa mère et Rimbaud, il a son revolver toujours dans la poche, et comme les gangsters, quoi, il sort pas son revolver de sa poche parce que c'est dans la rue, mais il veut tirer à travers sa poche, il menace Rimbaud de le tuer. Alors Rimbaud prend peur, et il y avait un agent de police qui était là, alors Rimbaud court vers l'agent de police et lui dit « Voyez ce type, c'est une espèce de fou, enfin, un homme ivre, il m'a déjà fichu une balle dans le bras, arrêtez-le !» Alors comprenez bien ce qui se passe, le drame, c'est pas tellement le coup de feu. Le drame pour Rimbaud, c'est le comportement qu'il a eu quand il a pris peur. Parce qu'il s'aperçoit tout d'un coup que, lorsqu'il a peur pour sa vie, quoi, lorsqu'il craint pour sa peau, ben, il fait comme tout le monde, quoi. Il prend peur et il appelle les flics. Et c'est là où il écrit, dans le brouillon de la saison à l'enfer, « Maintenant, je puis dire que l'art est une sottise. J'en ai assez des élans mystiques et des bizarreries du style. Paysan, dit-il en s'adressant à lui-même. Paysan. » Alors, c'est un paquet d'eau froide sur sa tête. C'est un dégrisement. Ben, bon Dieu, ce que je me suis payé de mots. Hein. Paul Verlaine fut arrêté, jugé et condamné à 2 ans de prison, plus d'ailleurs pour son homosexualité que pour cette mascarade de tentative d'homicide. Cela dit, Rimbaud fut effondré par cette affaire et se mit à écrire une saison en enfer, une prodigieuse autobiographie spirituelle, alors qu'il n'avait que 21 balais pépère. Mais ensuite, plus jamais, il n'écrira de poésie ni de littérature, puisqu'il renonça à toute créativité artistique. À 21 ans, on est parfois trop sérieux. Cependant, il lui restait la vie devant lui, 21 ans, franchement. Alors, qu'a-t-il fait, bon sang? Eh bien, afin d'en savoir un peu plus sur la seconde partie de la vie de notre patient, nous allons découvrir dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue menée par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, quel fut le cheminement d'Arthur après la poésie. Alors, cher professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble les conclusions de son enquête sur ce Rimbaud qui ne fut plus poète. L'interne, pointez-vous au labo! Allez, hop, démonstration! Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Messieurs les professeurs, alors tout d'abord, merci. Non, vraiment, merci, car grâce au patient du jour, Arthur Rimbaud, j'ai pu revivre mes années collège. Parce que bon, pour l'analyser, rien de tel que la bonne vieille méthode du commentaire de texte. On dégage les symptômes en 3 parties, introduction, développement, conclusion, le tout à travers seulement quelques vers d'un des poèmes les plus emblématiques de Rimbaud, j'ai nommé « Le bateau ivre ». L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh, que ma quille éclate. Oh, que j'aille à la mer! Alors là, il n'y a pas de doute, si Rimbaud a lâché sa plume à l'âge de 21 ans, c'est tout simplement pour prendre la barre, devenir capitaine et vivre à fond sa nouvelle passion pour le grand large. Et alors votre bateau, vous l'avez appelé comment? Le Lotus. Et pourquoi? Lotus, c'est une fleur qui pousse sur la vase. Mmh. Je crois fermement que la beauté peut jaillir de la crasse, du dégueulasse, du putréfié, quoi. Oh, mon bateau, tu es le plus beau des bateaux, et tu me guides sur les flots, vers ce qu'il y a de plus bas. Capitaine, mais aussi fin mélomane, Rimbaud part ainsi pour de nouveaux horizons. Mais jeune et rebelle comme il est, Arthur devient vite une vraie Kaïra des océans. Enfin, presque. La Compagnie des Indes vous a laissé un souvenir cuisant. Pirate. Et je ne vois pas votre navire, capitaine. Je suis sur le marché, depuis peu. Ça, c'est à lui, monsieur. Pas de balles en réserve, pas de poudre, un compas qui n'indique pas le nord, et je m'attendais presque à une épée en bois. Vous êtes sans nul doute le pirate le plus pitoyable dont on m'ait parlé. À peine rentré dans la marine, Arthur en prend vite pour son grade. Du coup, tout penaud, Arthur va se réfugier chez sa sœur pour y faire ce qu'il sait de mieux, rêvasser et glander. Mais heureusement, Isabelle, toujours proche de son frangin, sait trouver les mots pour le remettre dans le droit chemin. Mais qu'est-ce que t'as ? Pourquoi t'énerver ? Parce que moi, ça fait 3 nuits que je dors plus et que moi, je... Toi, tu quoi, toi ? Toi, tu fous rien, t'as jamais rien foutu de ta vie ? Moi ? Tu crois que tu fais quoi, toi, avec tes histoires d'amour à la con ? Tu fais rêver les minettes qui lisent leurs petites boulettes, là. Ils s'embrassèrent dans le coucher du soleil. N'importe quoi. Ce que tu fais, c'est naze. Tout ce que t'écris depuis 2 ans, c'est naze. Et si je te dis ça, hein, c'est parce que moi, je sais que tu vaux mieux que ça. Attends, moi... Non, mais toi, tu t'en fous. Ah non, mais c'est facile de faire le malin quand il y a des gens qui se bougent et qui luttent contre la pollution, contre l'exclusion, contre la violence. Et oui, voilà ce qu'il lui fallait à ce garçon. Une bonne leçon, et avec tous ses bons conseils, d'une part sur la marine et d'autre part sur l'avenir de la planète, Arthur va se lancer dans un ultime combat, tel un vrai warrior, un Rainbow Warrior. Au sommaire ce soir, nouveau rebondissement dans l'affaire Greenpeace. Le Rainbow Warrior aurait été coulé par une 3e équipe de militaires français le 10 juillet dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Arrêtez de percer des trous dans mon bâtiment ! Je les connais, moi, les marins de banlieue, hein, qui prennent la mer avec leurs bites et leurs couteaux. J'y arriverai, tu parles, j'y arriverai, hein. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour son authentique enquête, qui nous révèle ce matin qu'en réalité, le dormeur du Val s'est métamorphosé en baroudeur et que le bateau ivre n'était rien d'autre que les prémices du Rainbow Warrior. Un sulfureux dossier que François Mitterrand, notre président des belles lettres, maîtrisait parfaitement, bien sûr. Nous n'avons pas l'illusion de croire que la culture mette fin à la douleur humaine. Peut-être aide-t-elle à l'apaiser. Mais nous croyons qu'elle cimente les solidarités et qu'elle invente par là l'histoire. L'histoire de demain. Dans l'effervescence des images et des mots, il reste à ordonner le chaos des expériences. Pensons à l'exclamation de Rimbaud. Moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. Alors, évidemment, tu sais bien qu'il n'est absolument plus nécessaire aujourd'hui d'avoir de la culture pour faire de la politique. Enfin bon, je ne sais pas ce que tu en penses, mais franchement, un président qui met en perspective et offre de l'épaisseur à son action en citant quelques vers d'Arthur Rimbaud, ça le fait, non ? D'ailleurs, essayons maintenant, dans les minutes qui viennent, de localiser les résurgences politiques de la structure mentale poétique de notre patient non académique. Car il est évident, devant la puissance de son génie, que la psyché d'Arthur Rimbaud connaît ici et là quelques renaissances. Et bien sûr, comme d'habitude, amorçons notre étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche jungienne. Pour ce faire, nous avons soumis son dossier à une analyse critique fondée sur les travaux critiques du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Ainsi, le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue docteur Yvan Beaujolais, a tenté ces derniers jours d'expertiser les échos de notre poète maudit au cœur de notre histoire récente. Alors, cher professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons attentivement cette fable étrange intitulée « Le paradigme rimbaldien » où s'entrechoquent la politique et l'alchimie du verbe et où nous croiserons surtout 3 effarés. L'expert jungien, pointez-vous au labo ! Allez, pupus, analyse ! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. on sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Moi, pressé de trouver le lieu et la formule, me paraît être la phrase paradigmatique de ce qui est en jeu dans ce moment. Et on voit très bien comment Rimbaud décrit, d'ailleurs il le dit très bien, c'est faux de dire je pense, on devrait dire on me pense. Mon triste cœur bave à la poupe, mon cœur est plein de caporal. Hier, on faisait circuler une rumeur fantaisiste. Itifaliques et pioupiesques, leurs insultes l'ont dépravé. Sous-entendu, je ne serai plus capable d'assumer mes fonctions. À la Vépré, ils font des fresques, itifaliques et pioupiesques. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Oh, flot abracadabrantesque. Prenez mon cœur, qu'il soit sauvé. Pressé de trouver le lieu et la formule. Le lieu, justement, où il pourra dire quelque chose pour attraper la formule de son existence. On savait déjà que Lionel Jospin avait une fois fumé de l'herbe du bout des lèvres dans sa jeunesse. Maintenant, je m'en crapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Pas de quoi faire de lui un adepte des paradis artificiels. Et pourtant, le candidat socialiste a réveillé cette campagne présidentielle par cette petite phrase. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Quelqu'un qui fume un joint chez lui est moins dangereux pour autrui que quelqu'un qui boit avant de se mettre au volant. Mais j'aurais pu dire l'inverse. Je trouve tout à fait intéressant que Arthur Rimbaud fasse référence à Erré. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Vous prenez la nécessité du mouvement. Vous dites qu'il faut toujours être en mouvement, qu'il faut voyager. Vous êtes un homme du voyage, vous avez beaucoup voyagé. Vous admirez Rimbaud parce qu'il a eu le courage de la fuite. Le courage du départ. C'était un poète qui a publié plusieurs recueils de poèmes, mais que c'était aussi un marchand d'armes. Je crois que l'idée de se désinstaller, de sortir de soi-même pour aller à la rencontre des autres, d'autres territoires, d'autres vies, je crois que c'est une façon de vivre pleinement sa vie. Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes, tu es vraiment le plus agile. Oui. Magnifique poème que Pigeon. Mais attention, car n'est pas poète qui veut. L'art ancestral de la poésie, dont Rimbaud fut un orfèvre, se définit, selon le trésor de la langue française, comme un genre littéraire qui met en valeur le rythme, l'harmonie et les images. À ce propos, Rimbaud accordait beaucoup d'importance à la forme, donc au sens. Et son travail sur la forme a démultiplié la signification de ses poèmes. Par ailleurs, la poésie se veut l'expression d'une souffrance, enfermée dans un cercle sans issue. Autrement dit, dans le verbe, elle n'espère plus trouver le salut, mais seulement la possibilité de la nuance. Mais alors, où trouver aujourd'hui le fantôme de Rimbaud ? Eh bien, figure-toi que nous avons beaucoup cherché, creusé, traqué, fouillé, fouiné, sondé, foré, épié, guetté, espionné. Rien. Non. Rien de rien. Non, on ne regrette rien. Pas la moindre trace du génie rimbaldien. La poésie serait-elle morte, bon sang ? Pas tout à fait. Car dans notre laboratoire expérimental, pour préparer ce dossier, bien sûr, nous avons compulsé les œuvres de Rimbaud, quand soudain, nous sommes tombés sur son célèbre poème intitulé « Voyelles ». Et quelle ne fut pas notre surprise, lundi après-midi, vers 17h30. Allez, en place pour ce premier duel, Christophe et Marie qui choisissent une consonne ou une voyelle. Consonne. B. Christophe, à vous de choisir. Je suis maître du silence. Voyelle. O. Christophe. Voyelle. T. Voyelle. O. Voyelle. D. Voyelle. A. A noir. Voyelle, Marie. Pardon. A. A. Noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Golfe d'ombre. Voyelle. I. I pourpre, sans cracher. Rire des lèvres belles, dans la colère ou les ivresses pénitentes. Voyelle. A. Et voyelle. Et E. Par les soirs bleus d'été, J'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Marie. 6. Christophe. 786. Très bien. Voilà. Alors nous regardons le mot de Christophe. Merde pour moi, merde pour moi, merde pour moi, merde pour moi, merde pour moi, merde pour moi. Quand vous me verrez manger positivement de la merde, alors seulement vous ne trouverez plus que je coûte cher à nourrir. Allez, les 7 derniers points, c'est Christophe donc qui les marquera sur cette manche. On vous retrouvera bien entendu demain, sans faute, merci. Poète, vos papiers. Poète, vos papiers. Poète, circulez, poète. Circulez, poète. Circulez. Eh oui, poète, vos papiers, c'est un peu l'ambiance du moment, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, la poésie fout la trouille par le vide qu'elle impose. Enfin bref, pour en finir avec les résurgences contemporaines de notre patient, revenons une fois de plus par chez nous, dans notre ministère de psychopathes, où l'un de nos pensionnaires à vie, toujours le même et trépané deux fois, que nous appelons ici long corps chétif, t'offre à son tour ce matin ses divagations schizophréniques rimbaldiennes. Alors, comme d'habitude, c'est complètement poétique et totalement loufdingue, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole. Yeah. Ouais, ouais, je t'aime bien Rimbaud, le roi Arthur de Sciences Po, éthique. Content de te voir, quand t'es là, je me sens moins seul. C'est comme dans la forêt, un seul être vous manque et tout est peuplé. Assieds-toi Rimbaud, pose ta jambe de bois, arrête de tourner dans ma piole comme un rafiot bourré, hein, bateau ivre, ouais, si tu veux. Sacré Rimbaud, mon pote à rime, qui prend son pied à faire des vers, pour faire des sonnets, t'es pas une cloche. Toi le slameur qui se lamente, l'éternel adolescent abolissant les règles, et qui râle contre la morale, ouais, la morale c'est la faiblesse de la cervelle. Rimbaud, mon cousin poéteur, allez, tire-toi maintenant. Si je t'appelle, tu réponds, hein. Tu te mets pas aux abonnés absintes. Trop con. Je suis sale comme Rimbaud. Je suis lâche comme Villon. Débauché comme Hugo. Syphilitique comme Baudelaire. Mais peut-être après tout, n'aimez-vous pas la poésie? Je suis faucheton comme Racine, exhibitionniste comme Rousseau, esclavagiste comme Voltaire. Je n'existe pas comme Shakespeare. Mais peut-être après tout, n'aimez-vous pas la littérature? Je suis bête comme Michel-Ange, alcoolique comme Utrillo, lèche-botte comme Velasquez, épileptique comme Van Gogh. Mais peut-être après tout, n'aimez-vous pas la peinture? Je suis putain comme Lully, esthétique comme Beethoven, plagiaire comme Sébastien Bach, cupide comme Albin Norni. Mais peut-être après tout, n'aimez-vous pas la musique? Je suis gloutonne comme Colette, souillon comme Marie Curie, collabo comme Anne de Bretagne. Je ne suis pas un homme comme Jeanne d'Arc. Mais peut-être après tout, n'aimez-vous pas les femmes? Mais peut-être après tout, n'aimez-vous pas les femmes? Comme Rimbaud, par Brigitte Fontaine. C'est la déclaration d'amour faite à l'homme poète par la femme Fontaine. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une scellée.